j'ai perdu mes armes. Dans cette pomme, dans ce champ de fleurs, qui enterre mes armes, j'ai pris peur, j'ai perdu la lueur. Thank you.